23-15, activation orale, inquiétude, sans faire. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Elle n'est pas tranquille du tout. Mais vous dites. Elle s'en fait beaucoup. 2. Robert n'est pas tranquille. Il s'en fait. 3. Nous ne sommes pas tranquilles du tout. Nous nous en faisons beaucoup. 4. Tes parents ne sont pas tranquilles du tout. Ils s'en font beaucoup. 5. Je ne suis pas tranquille du tout. Je m'en fais beaucoup.